J'ai intitulé mon intervention du nom de, enfin d'une expression que j'ai retrouvée dans un article que je vais vous citer tout de suite, qui dit « La classe des travailleurs indigènes est encore plus pitoyable que celle des prolétaires européens, car leurs conditions de vie sont bien plus mauvaises. Et au-dessous d'eux, tout au fond de l'abîme des misères, il y a encore les femmes des indigènes. Pour nous, SFIO, tous les travailleurs sont nos frères, et plus ils sont opprimés, plus ils nous sont chers. » C'est dire à nos sœurs indigènes qu'elles ont le meilleur de notre affection. C'est en ces termes que Jeanne Coulon, militante socialiste aguerrie de la Fédération SFIO de l'Oranie, fondatrice du groupement des femmes socialistes, s'exprimait au mois de juin 1936. Alors que le Front populaire voyait se produire une forme de convergence entre organisations de gauche et militants dits indigènes, dans le cadre du nouveau gouvernement donc, de Léon Blum, dans le cadre également très important en juin 1936 du Congrès musulman, que l'on posait la question de la représentation dite musulmane au Parlement français, de la citoyenneté dans le statut personnel coranique, les membres féminins de la SFIO organisaient pour leur part avec les femmes algériennes des causeries éducatives sur l'hygiène et l'art ménager. Si l'historiographie du nationalisme algérien a fait relativement peu de place aux femmes algériennes, en tout cas aux militantes algériennes en amont de la guerre d'indépendance, qu'en est-il de l'engagement politique des femmes européennes? Ces femmes, finalement, qu'elles aient été engagées dans les rangs des partis, des associations, de la gauche ou de la droite, ou pour le droit de vote des femmes, qu'elles aient été donc féministes, n'apparaissent guère dans l'histoire des mouvements politiques français en colonie algérienne. Pas plus que l'histoire des héros, celle des vaincus, ne semble donc leur avoir laissé une place. Si les femmes européennes ne jouissaient finalement pas plus qu'ailleurs sur le territoire français des droits de la citoyenneté politique, la spécificité bien sûr de l'Algérie, des départements d'Alger, d'Oran et de Constantine, et le fait qu'elles partageaient cette condition avec la population dite indigène, qu'elle soit féminine ou masculine. La minorité politique des femmes rencontrait donc un écho tout particulier dans cette situation où elle recoupait le statut civil de l'indigénat. La question que je me suis donc posée, c'est celle de savoir si cette situation a donné lieu à une configuration de solidarité ou au contraire à une forme de concurrence des revendications. Les militantes féminines ont-elles rejeté, critiqué ou investi le projet colonial? Finalement, il me semble que l'espace politique des femmes reste largement à définir et à déterminer dans cette situation coloniale. Au double prisme relativement habituel qu'on utilise pour réfléchir à l'engagement des femmes, l'engagement généraliste dans des partis et l'engagement féministe, s'ajoute ici peut-être une troisième dimension, la prise de position des femmes sur la question coloniale, la cause dite indigène, et en particulier celle des femmes musulmanes. Leurs attitudes et pratiques à l'égard de celles qu'elles disaient considérer donc comme des sœurs permettent de s'interroger sur la façon dont elles concevaient leur rôle en Algérie et sur les spécificités de leur engagement par rapport à leurs camarades masculins. J'irai assez rapidement sur la présentation de ces femmes et des mouvements de femmes pour traiter plus spécifiquement cet aspect-là. Même si j'ai plein de choses à dire, et notamment sur les cigarières d'Oran qui ont gardé cette tradition émeutière dans l'entre-deux-guerres. Bon, on pourra en discuter toutes les deux, c'est quelque chose d'assez amusant. À titre individuel, il y avait un petit nombre de femmes qui militaient activement dans les rangs de la gauche oranaise, puisque c'est celle sur laquelle je me penche pour essayer à la plus grande échelle d'identifier des réseaux et des parcours militants dans l'Algérie de l'entre-deux-guerres, notamment entre les organisations et de la gauche française en gros et des nationalismes algériens. Dans cette gauche oranaise, donc, un certain nombre de femmes militaient prenaient une place de leader. Jeanne Coulon, dont je vous ai parlé, qui a été très active dans les réunions de campagne, dans les différents événements liés à ce moment Front populaire très important dans l'histoire politique de l'Algérie contemporaine, et qui, par exemple, pour vous donner un seul exemple, intervint dans une conférence de la petite ville du SIG, Saint-Denis-du-SIG, en janvier 1937, en tant que déléguée à la propagande de la Fédération SFIO, puisque c'était le rôle que lui avait donné le dernier congrès fédéral. lors de cette conférence, elle adresse un appel à tous les musulmans, je cite, pour venir grossir les rangs du Parti socialiste SFIO. Et elle dit, venez dans notre parti, nous vous recevrons en frères. C'est bien ici la contradiction finalement de l'article qu'elle écrivait quelques mois avant où elle parlait des sœurs indigènes. Ici, son discours, le discours politique et partisan qu'elle adresse aux membres de la population colonisée ne s'adresse en fait qu'à sa partie masculine. L'autre exemple que je vais prendre, c'est celui donc, dans cette galaxie, dans cette espèce de conglomérat de la gauche socialiste, de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dont les sections se multiplient en Algérie et en particulier en Oranie dans les années 36-37. Et il est assez intéressant de noter que cette Ligue est particulièrement féminisée en Oranie. Et parmi ces femmes, Yvonne Kamalonga fut une propagandiste inlassable qui sillonna le département d'Oran et anima nombre des réunions. Dès son adhésion, en fait, sa maîtrise de la langue arabe fut mise à profit par la section oranaise de la Ligue, qui en fit une de ses principales oratrices. Ainsi, quand Bernard Lecache, le fondateur de la LICRA, voyagea à plusieurs reprises de la LICA à cette époque, en effet, qui devient la LICRA, quand il voyage en Oranie, elle l'accompagne de partout, puisque sa connaissance de la langue arabe est relativement unique. Elle s'adresse ainsi elle fait ainsi partie de l'équipe qui va sillonner le département, notamment dans ce cadre encore du Front populaire, dans les réunions paritaires qui, d'un côté, font intervenir des membres du Congrès musulman et de l'autre, des membres des partis et associations de la gauche. Et dans ces réunions, elle s'exprime en arabe. Elle loue également le passé, la culture maghrébine. Et finalement, elle fait partie de ces très rares militants européens qui étaient capables de s'adresser aux masses algériennes dans leur langue. Pourtant, elle était loin d'adhérer aux revendications de libération des colonies portées jusqu'au milieu des années 30 par les communistes, notamment dans le milieu européen. Cependant, elle pratiquait à travers son militantisme féminin en langue arabe une forme rare de traverser des frontières de genre, de communauté, dans l'Algérie de l'époque. Par ailleurs, cette participation des femmes aux activités de la gauche oranaise prit une forme plus organisée dans la constitution de sections, de groupes, sur lesquels je vais passer assez rapidement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans un premier temps, mais ça recoupe assez finalement assez fidèlement ce qui se passait également en France, le fait que ces groupes féminins avaient en fait des tâches d'ordre domestique, c'est elles qui assuraient par exemple la confection des bonnets rouges et des tentures rouges pour les fêtes socialistes. C'est elles qui créèrent un ouvroir socialiste, dans une analogie assez intéressante avec les activités des missionnaires, un ouvroir socialiste destiné à la confection d'objets de layette, de tricot, etc., mais qui semblait concerner uniquement les adhérentes de la section exclusivement européenne, quand du côté des hommes, on trouvait dans les partis organisations de la gauche française des militants algériens, certes minoritaires. Par ailleurs, ces membres des sections féminines, notamment du Parti socialiste, incitèrent. C'est assez amusant de voir que les personnes auxquelles elles s'adressent, finalement, c'est toujours des militants européens à qui elles incitent, qu'elles incitent à faire adhérer leurs sœurs, leurs cousines, leurs épouses, et que elles se trouvent très rarement face à un public féminin, et encore plus rarement, de façon très exceptionnelle, face à un public féminin et algérien. Pour revenir donc sur cet enjeu de la femme algérienne, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, cette femme constitue, semble-t-il, en Algérie, un enjeu central et une forme de terrain idéologique. D'un côté, on tente de définir l'identité algérienne à travers elle, et de l'autre, on retenait le critère de sa condition pour freiner l'évolution politique décolonisée. C'est aussi à son aune que l'on jugeait des possibilités d'assimilation de la masse dite indigène. Ainsi, l'un des grands arguments contre les droits politiques des Algériens va être le fait, ce fameux statut personnel, le fait que la situation de la femme, la façon dont elle était traitée par la population algérienne, freinait et finalement empêchait dans la situation telle qu'elle était toute accession à des droits politiques, ce que les féministes ont trouvé tout à fait fort de café, puisqu'elles elles ont dit voilà, nous, ça fait des années qu'on dénonce ce statut personnel, et finalement, ces hommes politiques qui rejettent la citoyenneté dans le statut instrumentalisent tout à fait la situation de la femme à laquelle ils s'intéressent depuis avant-hier. Les militantes féminines donc de ces partis, organisations de la gauche, en particulier de la SFIO, entreprirent de s'intéresser aux conditions de vie de ces femmes algériennes, souvent invisibles pour la société des coloniaux. Ainsi, de façon assez intéressante, à peu près au moment où, dans la Femme de demain, paraît une enquête sur la femme musulmane, le journal Au rang républicain, qui est le journal, finalement, le premier de cette série, qui fait naître ensuite Alger républicain, premier journal vraiment de Front populaire, journal de gauche algérien, fait paraître également une enquête sur cette femme en plusieurs épisodes. Et cette démarche, finalement, des femmes de gauche est à ce moment-là très similaire, très parallèle à celle des féministes que cependant elles rejettent, puisque, comme ailleurs, mais peut-être de façon plus marquée en Algérie, il y a une grande concurrence entre les militantes féminines et les militantes féministes, sur laquelle on pourra revenir. La rédactrice de ce reportage raconte un petit peu sa démarche, c'est très important. Elle explique que finalement, pour réaliser ce reportage, elle fait des choses qu'elle n'avait jamais faites. Elle emprunte des chemins qu'elle n'avait jamais empruntés, tels qu'aller au bain mort, dit-elle, tels que visiter une maison du village nègre. Le village nègre, c'était c'était Mdina Jdida, la ville nouvelle d'Oran, qui est appelée village nègre par les Français, puis une maison de pauvre de la campagne algérienne. Et elle le dit, elle dit, c'est la première fois qu'elle pénètre un intérieur arabe. Et finalement, elle regrette dès le début de son article, de sa série d'articles, de ne pouvoir s'adresser directement aux Algériennes, dont, dit-elle, bien peu pourront la lire. Son enquête paraît également au même moment que l'enquête d'Abdelaziz Kessous, un militant algérien de la SFIO, sur le projet Bloom Violette. Donc ce parallélisme est assez intéressant. Encore une fois, là où, du côté des hommes, on prend vraiment en charge un débat proprement politique, du côté des femmes, on en est encore à rencontrer la femme algérienne. Et ce reportage insistait sur la vie végétative des femmes, soumises à la loi du Coran, dénonçait les coutumes surannées, au premier rang desquelles elle citait bien sûr le voile. Et elle concluait ainsi son enquête, je cite, « sous les plis du haïk ». Sherazade, Dinarzade, éveillez-vous mes sœurs, le jour va bientôt paraître. Les militantes socialistes différaient cependant des féministes sur la question du droit de vote des indigènes, défendant le projet Bloom Violette, quand les membres de l'UFSF, l'Union française pour le suffrage des femmes, demandaient la priorité aux femmes françaises. Par ailleurs, l'approche des femmes militantes différait peu globalement de celle de leurs camarades masculins. Leur volonté de s'adresser à des sœurs algériennes s'affrontait finalement à des difficultés très simples, matérielles, la présence rare de ces femmes aux réunions, mais aussi bien sûr l'obstacle de l'alphabétisation en français qui permettait à un très petit nombre de ces femmes de lire leurs publications. Ce furent cependant bien plus les femmes militantes des partis de gauche que les féministes, je crois, qui tentèrent de s'adresser directement aux femmes indigènes. Elles cherchèrent à améliorer d'abord leurs conditions de vie matérielle, demandant pour elles l'application de toutes les lois françaises sur le travail des femmes, sur l'assistance sociale, l'organisation effective des services d'hygiène et l'amélioration de l'habitat. Et enfin, bien sûr, et ça c'est une revendication des socialistes tout au long de la période coloniale, la scolarisation totale de l'ensemble de la population algérienne, notamment féminine. Ces revendications, finalement, venaient compléter et préciser celles de leurs collègues masculins au moment de la mise en place des comités de Front populaire et du programme algérien du gouvernement à direction socialiste. Cependant, bien sûr, ces revendications envisageaient exclusivement les femmes sous l'angle de la famille, du travail et absolument pas en termes politiques. La volonté de ces militantes féminines de s'adresser donc à des sœurs indigènes, disait-elle, se traduisit la plupart du temps par des comportements qui, finalement, relevaient bien plus d'un maternalisme que d'une quelconque sororité. À cet égard, et pour finir, l'initiative du foyer franco-musulman d'Oran en février 39 est tout à fait éclairante. C'est un groupe qui est constitué, qui finalement fait figure de concentré de la gauche socialiste oranaise, du côté masculin et féminin, du côté également indigène et européen pour ses membres masculins. C'est un groupe qui, en plus, choisit de s'installer au cœur de Medina Jdida, donc c'est le village nègre dont je parlais tout à l'heure, le cœur de la vie politique et sociale algérienne d'Oran. Et ce groupe se donnait pour but, je cite, de créer, d'entretenir des liens de fraternité entre femmes européennes et indigènes au moyen de ces fameuses causeries éducatives sur l'hygiène, l'art ménager, etc. Ainsi, ces hommes et ces femmes qui avaient pris part aux grèves de l'été 36, puis à la lutte pour les droits politiques des Algériens dans le cadre du projet Bloom-Violette, mettaient-ils en place un projet qui semblait fort en deçà de leurs revendications passées et bien peu progressistes. Au moment où les combats conjoints du Congrès musulman et du Front populaire finissaient de se dissoudre, ce projet, je pense, traduisait la tentative aussi limitée que désillusionnée de faire revivre ce front commun du côté des femmes. Pour conclure, finalement, il apparaît que ces militantes féminines des partis de gauche, de la gauche socialiste en particulier, on pourra revenir également sur le cas féministe qui est très proche, ces militantes ne marquèrent qu'à la marge la configuration des mouvements politiques de l'époque. Plus renseignée dans la presse militante que dans les archives de surveillance, cette activité paraissait sans doute bien moins transgressive que celle de leurs camarades masculins aux yeux de l'administration coloniale, mais je pense qu'elle fut également moins importante. La communauté de genre fut finalement surtout investie au titre d'une forme de bienveillance humanitaire, bien peu en termes d'évolution des droits politiques de la femme algérienne, au contraire de certaines militantes socialistes de l'Empire britannique à la même époque, par exemple. De façon plus aiguë peut-être que leurs camarades masculins, ces femmes véhiculaient un discours essentiellement social et concevaient leur rôle dans une analogie frappante avec les professions qu'elles exerçaient, puisqu'on s'aperçoit que la quasi-totalité de ces femmes étaient soit institutrices, soit infirmières, sages-femmes, ou médecin, mais ça c'est plus rare, ou encore pharmacienne, donc dans le soin médical. Cependant, ces militantes de la gauche socialiste eurent l'ambition de s'adresser directement à ces femmes, ou encore d'attirer sur elles l'attention des hommes, tant celle de leurs maris, pères et frères, que celle des militants européens, en des termes nouveaux. Elles soulignaient l'importance de cet enjeu en soi, et non pas comme le moyen d'une assimilation plus générale de la société indigène. Voilà, je vous remercie.